J'en veux la femme qui mène en bateau. J'connais la rue, j'ai pas grandi dans un château. Trahir son pote, oh c'est pas beau. C'est à toi de jouer le Pablo. Tu m'as vu gentil, crois pas que j'traîne seul. Le sang froid ça peut te fumer comme Denzel. J'connais par cœur le bruit du moteur Yamaha. Tu veux t'esvoir là-bas, on t'a dit qu'il y avait ce qu'il faut dans la part. J'galère plus, j'suis sorti du check. Frérot, ça veut pas dire que j'oublie d'où j'viens. Et oui, frérot, mets les zéros sur le chèque. J't'ai fait dur tous les jours comme un chien. Subis les pieds, grandir et devenir des hommes. Maman a trouvé sous mon lit des armes et des sommes. Partir d'en bas et arriver au sommet, c'est chaud, c'est pas donné à tout le monde. J'ai prié Dieu quand ça n'allait pas. J'ai peut-être fait ce qu'il fallait pas. J'ai fait des sous, mais j'm'en bats le pas. Ils font les fous, j'les calcule pas. J'en veux un spot qui mène en bateau. J'connais la rue, j'ai pas grandi dans un château. J'ai vu des putes m'en dire et dire le sang. J'ai fêté mon animal à Team Duel Sand. Et y'a pas plus fidèle et reconnaissante. J'm'isole seul quand j'ai le cafard. J'veux avancer seul mais ils me mettent le plein phare. Des fois j'fais même plus d'efforts que j'foire des bâtards. Ouais j'm'écarte et si un jour j'arrête, c'est que j'suis claqué. J'sais que ma mif dort tranquille. Qu'est-ce qu'elle a ta cop, elle me touche le paquet. J'peux m'chauffer si trop verre et janquille. J'en veux un spot qui mène en bateau. J'connais la rue, j'ai pas grandi dans un château. Trahir son pote, oh c'est pas beau. C'est à quoi de jouer le Pablo. Je refuse interview et émission. Je me sens pas bien à la télévision. Ils sont pleins de questions. Je suis pas comme eux, moi c'est ça ma vision. Les potos stars m'appellent en visio. J'essaie de le faire rire, je fais un peu l'idiot. Vas-y dis-moi, c'est une mission. Je te fais envoyer un parachute, garde la lito. T'es de Corsico, j'en ai avec Pico. Ça tourne dans ma tête. Oh oui. Une envie de faire la fête. Tu as loin. Me manque pas d'aise. On fume le shit, ok, mais on touche pas la scène. J'en veux la spot qui mène en bateau. J'connais la rue, j'ai pas grandi dans un château. Trahir son pote, oh c'est pas beau. C'est à quoi de jouer le Pablo. J'en veux la spot qui mène en bateau. J'connais la rue, j'ai pas grandi dans un château. Trahir son pote, oh c'est pas beau. Sert à quoi de jouer le Pablo.